contre Canadiens. Je pense qu'ils en ont eu 22 chances de marquer. Alors, 22 plus 38, ça fait combien? Ça fait pas mal. Ça fait pas mal, chances de marquer. 22 plus 38. Écoute, on va vous donner la réponse après la pause. Le piqué sous bande de la radio québécoise, il est vite sur ses patins, il est flamboyant et tape ses nerfs à bain du monde. Accueillons votre animateur, Piqué Bourg! Hey! Bonsoir tout le monde! On a créé un monstre. Les gens vont être déçus, c'est juste moi. Hey, bonsoir tout le monde, il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous donner amplement le temps de nous remettre de la défaite du Canadien de Montréal hier soir. Prêt de savoir? Bonsoir. On est-tu en train de parler de hockey, nous autres? Ben oui, qu'est-ce qui se passe? Voyons donc, là, on n'est pas au pornographe. Ben non, je sais bien. Voyons donc. Mais tellement peu d'actualité. Ah, oui. Hein? Moi, ma source d'information principale, c'est la radio le matin. Ah oui, hein? Et tout ce que j'ai appris, c'est que Ginette Renault a chanté au hockey. Ah, c'est oui, la seule chose. J'ai écouté toute la semaine, c'est la seule chose que j'ai apprise. Moi, mon truc, c'est que je l'écoute juste le vendredi matin de entre 8h25 et 8h40. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? Un débat sportif, mon ami. Là, ah oui, ah oui, en François chose. Gagnon puis l'ex-zapartiste. Ah oui, c'est bon. D'empêche, une maudite chance que c'est pas le PQ qui est encore au pouvoir. Hein, ah oui. Parce que le Canadien serait déjà éliminé. C'est ça, clair. C'est clair. Ça, ah c'est oui. clair. Depuis longtemps. Ah oui, oui. Il n'aurait pas fait des séries. Il serait déménagé. Oui. À mon avis, il serait déménagé. Hey, l'ambiance qu'on a depuis que les libéraux sont ici, c'est-tu extraordinaire, c'est ça, mes amis? Hey, je sais pas si vous avez entendu Martin Coiteux cette semaine. Il paraît qu'on n'est même pas en austérité. C'est ah non. Mais non. Mais non. Non, pas avant tout. On est en climat pour créer des opportunités de croissance. Oh! Il l'a dit! Good! C'est bien moins inquiétant! Ben oui! Mais là, comment on va créer ça, un climat d'opportunité de croissance? Ah, ben en coupant 3 milliards, okay. en réduisant les programmes sociaux, okay. en gelant les salaires, toutes ces affaires-là. Là, okay. Voyons donc. Dans le fond, ça ressemble à de l'austérité, finalement. Ben voyons donc, Frédéric. Ah. Frédéric, c'est... tout est dans la manière. C'est, dans, c'est dans la manière de dire les choses. Vous arrêtez de trop aux mots. Ah. C'est ça votre problème. Par exemple, Frédéric, je vous dis, l'an prochain, là, hein, ça me surprendrait que vous soyez de retour avec nous. Ah, ben. Hein? C'est assez plate, là. Je serais atterré. Oui, non, mais dis de même, je comprends. Ouais. Mais supposons que je vous disais, Frédéric, l'an prochain, là, je vous offre un climat d'opportunité de croissance. Ah! Mon Dieu, c'est rassurant. Je vais continuer à me magasiner un chalet. Ouais. Ouais, ça, non, par exemple. Ah, non? C'est ça. C'est, c'est une drôle de. Okay. Non, mais faites pas ça. Okay. En tout cas. Mais parce que ça va pas si bien que ça au Québec. On va se le dire. Là, regardez les nouvelles cette semaine. Juste, ben, il y a les magasins Jacob qui ont annoncé qu'elle allait fermer. Ben oui. Hey, ça, c'est un. Oh, mais mon Dieu, il y a plusieurs fans de Bas-culottes. Plusieurs Jacobins. Ouais, ouais. Non, mais ça, c'est un œil au beurre noir pour le Québec King. Ben, je comprends. C'était quand même un fleuron de la Guinée québécoise qui ferme, ça. Ouais. Là. Moi, j'adorais aller acheter mes jupes là-bas. Ah, non, non. Hey, moi... on s'en est-tu prêté du beau linge, nous? Hein? D'ailleurs, j'ai une paire de Bas-culottes à vous ramener. Hein? Mais pas fait une maille. Ben non. OK. Ah, boy. S'il y avait eu plus d'hommes comme nous au Québec, ouais. là, Jacob serait encore ouvert aujourd'hui. Je le sais. J'espère qu'il y en a ici, là, enfin. Sinon, ça a été aussi une grosse semaine pour les événements loufoques. On n'a qu'à penser à Pierre-Carl Péladeau, qui est venu à la défense de Radio-Canada. Hein? Non, mais. Hein? D'après moi, il est en choc post-électoral traumatique. Ouais, ouais, ouais. Il s'est même qualifié de Radio-Canadien ouais. lui-même. Ben, ouais, ouais, ouais. Ben, non, mais il y a des ressemblances quand on y pense. Ouais, c'est vrai qu'avec les coupures qu'il y a à l'émission Enquête, ça commence à ressembler au Journal de Montréal. Ouais, ouais, ouais. Tabarouette. Sinon, toujours dans le domaine du délire, il y a le candidat à la chefferie, Mario Beaulieu, hein, qui affirme que s'il devient chef du Bloc québécois, oui, le Bloc québécois, il va l'être à temps partiel. Ah oui, oui, ouais. Non. C'est pas une joke, là. Comment ça? Ben, en fait, il veut continuer à militer pour l'indépendance. Ah. Et c'est sûr qu'au Bloc, c'est un peu... peut-être pas en meilleure place. Non. Surtout si tu veux avoir du monde à qui parler. Non, ouais. Non, mais en même temps, être chef d'un parti avec 4 députés, c'est sûr que c'est pas du temps plein. Non, c'est pas du temps plein. Ça peut pas être du temps plein, franchement. Ouais. Quoi d'autre? Sinon, il y a l'Université de Montréal qui trouve que son programme de médecine est trop élitiste. Avez-vous ça? Ça, c'est vrai. Ben, ça fait des années qu'ils prennent juste des étudiants avec des bonnes notes de milieu aisé, puis on attend toujours plus aux urgences. Mais c'est pour ça qu'ils veulent attirer des. Mais je sais, ben c'est oui. pour ça qu'ils veulent attirer des étudiants modestes hein, et des minorités. Ah. C'est l'objectif. Comme ouais. des gens comme Gaétan Barrette. Ben, ça, c'est un. Mais c'est un bon exemple, Dr. Barrette. Hein? Voilà quelqu'un d'une minorité assez visible, merci, qui a très bien réussi. Hein? Il est devenu ministre. Ben oui. Hein? Bon, franchement, voyons donc que les gens s'en font avec Sinon, à quoi d'autre? Il y a la militante de Québec solidaire, Dalila Awada, qui poursuit l'ex-candidate du PQ, Mme Mailloux, hein, pour diffamation. Ouais. Est-ce qu'elle a levé le voile sur qui va la représenter? Oui, c'est Mme Goldwater, une avocate juive qui est surtout très ostentatoire. Oh! Ça risque d'être pas mal inclusif, ce procès-là, ça promet? OK, je pense que c'est assez, les jeux de mots. Non, hein? Ouais, mais c'est parce que la semaine prochaine, il n'est plus en ondes. Faut compenser, nous autres, pour le quota de jeux de mots. Ah oui, c'est ça. Fait qu'on peut Alors, on est rendu la seule émission d'humour en ondes. Hein? Ouais, c'est ça, comme d'habitude. OK. Hein? Alors, toujours en humour. Toujours en humour, on a appris à la commission Charbonneau que la corruption a beaucoup augmenté depuis le 11 septembre, hein, les attentats du 11 septembre. C'est vrai, mais c'est vrai. Encore la faute du FTQ. T'en partout. Ah non, mais moi, ça me surprendrait pas que la FTQ soit derrière Al-Qaïda. Ben, je suis sûr de ça. Non, mais Al-Qaïda, là, ça détruit les affaires pour les reconstruire après. Pardon ça. Hein? Ben oui. Calcule non, ça comme tu veux. Ça me semble très plausible. Hein? Il y a beaucoup d'analphabètes à Al-Qaïda, hein, comme à FTQ. Ah oui, ben regarde. Mais heureusement, nos invités de ce soir ne font pas partie d'Al-Qaïda. Ben enfin, ben, on c'est pas connu. Pas. Ouais, on reçoit d'abord l'animateur André Robitaille. Ouais. On est très heureux de le recevoir. Oh, tu fais? Oui, monsieur. Hey, lui, ça fait longtemps qu'on voulait qu'il vienne. Hey, là. Ça remonte à notre, à notre toute première saison. Ouais, l'année passée. C'est ça. Alors, ben là, depuis qu'il est rendu une vedette radio-canadienne, oui. Évidemment, il n'y a pas le choix de passer par nos divans. Ben non. Hein, c'est ça qui se passe. Alors, on reçoit également l'humoriste Jean-François Mercier. Ouais. On est très heureux d'en savoir. C'est pas rien, ça. Vous savez que c'est un des rares humoristes à s'être présenté en politique active? C'est vrai, ça. Ah? L'autre qui me vient en tête, c'est Justin Trudeau. Oui, exactement. Alors, on aura le temps d'en trouver d'autres de toute façon parce que la soirée est encore jeune. Bon. Passons aux choses sérieuses. Olivier Niquet. Oui, c'est moi. Bon, ben les internets. Ben les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée ouais. Encore jeune, et sur notre site radio-canada.ca/lasoirée, où ils pourront lire Dominique Moret de Radio X qui se désole que les mollas du vélo aient fait plier la ville au détriment des camionneurs. Et c'est vrai que les intégristes du vélo prennent trop de place. Là, un jour, on va l'avoir, notre ville bâtie en fonction de l'automobile. Je vous le garantis. Hey, on a hâte, on a hâte. On passe au courrier des auditeurs. D'abord, Mme Michaud, qui est accessoirement la maman de Jean-Sébastien, nous dit « Bonne chance pour votre nomination aux Oliviers. Hey, » C'est donc bien hypocrite, ça. On le sait bien qu'elle veut que ça soit les bronzés qui gagnent, franchement. Moi, en passant, si les bronzés gagnent l'Olivier à notre place, là, je n'ai plus aucune confiance dans nos institutions. Bon. Mon Dieu. Un autre message. « Bonsoir, je suis inquiet pour mon avenir. Est-ce que l'émission va revenir l'année prochaine? Salutations à Olivier Niquette, signé J.S. Girard, Montréal, XOXOXX. Hey! » Je sais pas. Là, Jean-Philippe, pouvez-vous le rassurer, notre ami? Ben, je peux peut-être pas rassurer Jean-Sébastien Girard lui-même, mais je sais que tout le reste de l'équipe, par exemple, va déménager le week-end de 5 à 7 les samedis et le dimanche pour 4 heures de plaisir. Et ce, dès le mois d'août. Hein? 23 août. 23 août, on se prend un petit été pour se préparer. Ah oui. 2-3 jours, ouais, on va être prêts. Hein? Ouais. Et qu'on a hâte. Et puis si Jean-Sébastien est gentil, peut-être qu'il va nous suivre. D'ailleurs, on va aller le voir. Jean-Sébastien! Ah, bon, bonjour Philippe, comment allez-vous? Ben, ça va très bien. Vous êtes où, là? Ben, je me trouve présentement au métro Lucien Lallier avec un chanteur que j'ai invité à venir me rejoindre ici, Jean-Philippe, pendant que je passe le chapeau spécialement pour lui. Ah, un petit chanteur inconnu, j'imagine? Non, madame, un chanteur extrêmement connu. C'est quelqu'un, Jean-Philippe, qui a chanté des centaines de fois devant des milliers de personnes. Mmh. Et aujourd'hui, eh ben, il est réduit à chanter dans des bars. Et aujourd'hui, dans le métro, Jean-Philippe. C'est très, très triste. J'imagine que c'est Claude Dubois. Non. Pas le petit garou, toujours? Non plus, Jean-Philippe, mais ça demeure une histoire encore très, très, très, très triste. Donc, quelqu'un que je veux aider aujourd'hui à arrondir ses fins de mois. Et aussi, je veux l'aider à lui redonner un public. Ah, vous êtes bon, Jean-Sébastien, le cœur sur la main, hein, tout le temps. Oui, arrêtez de parler, là, je vais m'approcher de lui. Ah. Hein, je vais vous le faire entendre. Vous allez voir, vous allez être extrêmement impressionné. Écoutons ce grand chanteur bafoué, Jean-Philippe. Ah, bravo, on l'applaudit tout le monde. Ben oui. Avez-vous reconnu la chanson? Ben oui, c'est le monsieur des recettes, Marc Hervieux. Non. C'est Charles Prévost-Linton, Jean-Philippe. Qui? Charles Legault-Lipton. C'est celui qui, normalement, chante les hymnes nationaux au Centre Bell. Ah, ben oui! Et oui, Et ce que vous venez d'entendre, c'est la partie un peu moins connue du Haut-Canada. Mais voilà, c'est le monsieur également qui s'est fait tasser par la madame qui beugle comme une damnée dans un gros manteau rouge. En oui, elle... Oui, elle... Qui a fait perdre Canadien hier, hein, la motadine. La motadine, je vous trouve très poli quand vous dites ça. Oui. Alors, dans quelques minutes, après son tour de chant, on va discuter avec lui de sa vie et du Christy de soi-disant fucking effet Ginette Renault, Jean-Philippe. Ah, oh, mon Dieu, du calme, ce n'est que du hockey, Jean-Sébastien. Je le sais, faut pas que je baisse la médication par moi-même. C'est toujours une mauvaise habitude que j'ai. Oui, non, mais c'est bien ça. OK, bye-bye. On se retrouve tout de suite, merci. Fred, notre premier invité. Il remplacera Véro à la barre des enfants de la télé sur nos ondes cet automne, mais pour l'instant, c'est un enfant de la radio ce soir à notre émission. Accueillons l'infatigable André Robitaille! Oui! Ah mon Dieu! C'est le petit Jésus de Radio-Canada qui bénit ses invités. Hey, Monsieur Robitaille! Hey, comment ça va, vous autres? Hey, Colin de Salut, Fred. Comment vas-tu, Fred? Ça va très bien. Oui, c'est content de vous voir. Ouais, hey, pis, c'est rare comme salut, j'aime ben, ça. Ben oui, t'es là, t'es en face de moi, puis je te regarde. Puis de toute façon, à côté de moi, c'est l'autre, alors j'aime mieux te parler à toi. Non, mais... Non, je suis content de vous voir, puis bravo pour l'année prochaine. Ben oui, on est content, on est très content. On va aller polluer les airs pendant, pendant 4 heures de temps. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Ben ouais. Et hey. Philippe Lagut reste, là, hein, c'est ça? Oui, oui. Oui, on travaille, oui. Parlant de polluer les airs, vous voulez de la bière? Non, ça va, je suis à l'eau parce que... Comment ça, donc? Ben, j'ai bu de la bière hier, puis j'essaie de me remettre pour en prendre plus tard. Tantôt. Ah, ben ça, c'est une belle décision. J'ai regardé le match dans un bar avec des chums. Arrêtez donc. Oui, monsieur. Hey, c'était-tu décevant, votre goût? Un peu décevant, mais j'aime le hockey comme ça, moi. Deux, décevant? Trois punitions, pas plus. Mais j'aime le hockey avant tout. Que le Canadien gagne, tant mieux, mais ouais. C'est beau, ce sport-là, mon ami. Alors, ben oui, hier, c'est vrai c'était un beau match. C'est hier, vrai que c'était beau. Mais quand même, c'était un peu décevant. Ouais, on va aller chercher la coupe. Ben oui, on a. Ben oui. Encore 10 ans, là, puis on va l'avoir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, non, on se donne 10 ans. Vous savez qu'on a reçu. Edith Cochrane, ici, il y a quelques semaines. Oui. Et on a parlé des enfants de la télé. Ma nouvelle amie. Ben, je comprends donc. Mm. Et puis là, ben, je me demandais, est-ce qu'on a encore des choses à dire là-dessus, puisqu'on a pas mal fait le tour, les enfants de la télé? Ben, si vous en avez parlé avec Edith, on peut parler d'autres choses. Ben, c'est ça. Non, mais c'est parce que Edith t'a bien excité. Ouais, oui, Et elle était bien excitée aussi de travailler avec André Robitaille. Et là, je me disais, mon Dieu, c'est quand même une grosse année. Puis là, elle me dit, ben, c'est rien qu'un 11 jours de travail. Oui, c'est en fait, n'oublions, il y a 12 studios. On en fait deux par jour de studios. Il y en a 24 à sortir. Ah. Alors, 12 occasions de juin à février. Donc, mon année respire parce qu'il faut laisser la chance aux recherchistes, à l'équipe de préparer l'émission. Justement, on parle des enfants de la télé. 11 jours, 12 jours de tournage. J'espère que vous allez avoir le temps de respirer parce qu'André, André principal. Oh, je l'avais jamais entendu. Non, mais c'était un lapsus. J'ai passé des années à me faire dire « Hey, vas-y mollo, toi, là! » Quand t'as un titre... Mais c'était bon, ça, vas-y mollo. Oui, c'est là mais c'est vrai. C'est ça ta question sur entrée principale. Non, mais là, on parle de vas-y mollo. Est-ce que tu regardais ça? Ben, oui, je regardais vas-y mollo. Ben oui, voyons donc. Ah bon, moi, j'ai 16 ans. Tu veux-tu envoyer un dessin, ces affaires-là? Non. Non? Non, non, j'avais quand même plus de respect toi, de moi-même. Toi, t'aimais tic et tac? Pas peint, ouais. Oui, ouais. Ranger du risque. Ouais, ça, j'ai capoté exact. Sur les Rangers. Ben voyons donc. On dirait que vous me connaissez. Mais oui, j'ai. Ben, on fait vite le tour. Hein. Oh là là! Alors, tu veux me parler d'entrée principale? Ouais, j'ai plus ben envie. Si tu veux, je pense que je vais en prendre une bière. Ah, voilà! On se réveille vite, hein? Ça, c'est le son du gluten. Alors... Il s'échappe, la canette. Pour ne jamais revenir. Ouais. Mais là, bon, 5 jours entrée principale, oui. Les enfants de la télé, êtes-vous le nouveau Joël Legendre de Radio-Canada? Ben, on peut se poser la question. Ben, c'est bon, je sais pas comment y répondre. Je ne suis pas Joël Legendre. Ben, ça, on le sait. Mais non, je serai là à partir du 8 septembre, entrée principale reprend. Le 10 septembre, les enfants de la télé. Sacre. Et je suis en tournée avec le dîner de con au théâtre. Oui, il y a ça aussi. Le théâtre d'été, ça, c'est fascinant, d'été le théâtre et d'été. Et en tournée, mon ami. Mais, ben oui, c'est rare, c'est un théâtre d'été en tournée. Je viens de le dire, un peu d'écoute. Oui, non, je sais. Je sais, mais vous savez ce qui me fascine avec le théâtre d'été? On recevait Benoît Brière il y a quelques temps, oui. Qui nous parlait aussi de théâtre d'été. Et on a remarqué quand même que dans les années 70-80, c'était vraiment l'époque florissante du théâtre d'été. Il y avait presque 130-140 théâtres d'été on au Québec. On avait des étés dans ce temps-là aussi. Ouais. Il est brillant, ce gars-là. Mais 130 théâtres, il y avait de la chenoute là-dedans aussi. Oui. Puis il y avait de l'élite, c'est un ou l'autre. Je suis d'accord. Et ceux qui sont restés sont peut-être les meilleurs. Je dis ça peut-être ouais, mais avec y en a, mais... y en a à peine une vingtaine qui restent. Donc là, c'est un théâtre d'été qui commence l'été, mais comme vous le dites, vous faites une tournée là-dessus. Vous toffez combien de temps? Vous avez combien On est de temps? À l'Assomption tout l'été, et à partir du 4 juillet, puis après ça, ça va jusqu'au mois de mars, où je vais jouer partout dans la province. Il y a des magnifiques théâtres dans toutes les régions du Québec. Il faut aller les voir. Les salles sont pleines. Les gens ont faim de voir des bons shows comme celui-là. C'est un show très drôle, puis c'est un show aussi tellement bien écrit par M. Weber que je pense qu'il faut le donner. Là. Est-ce que le texte est intégral? Oui. Ce que tu as vu dans le film, avant ça, c'était une pièce de théâtre. J'imagine que tu devines ça. Après le succès théâtre, ils ont dit M. Weber lui-même a fait la réalisation du film et puis il a pris, copier-coller, son texte. Ouais, le gars. Alors, il a fait ça. Et moi, ce que j'ai pris pour faire la production, j'ai pris le texte de théâtre, donc qui correspond directement au film. Ce que j'ai fait, j'ai osé faire ça, je l'ai ajusté et ça se passe au Québec au lieu de se passer à Paris. C'est la seule chose, mais ça oblige à changer, entre autres, les patois, à changer la syntaxe, à changer quelques répliques, mais les répliques classiques restent, et puis le nom des personnages est resté aussi. Pour moi, c'était trop des classiques qui s'appellent Cheval et Marlène. Juste Leblanc. Juste, c'est son prénom. Leblanc, c'est son nom de famille. Son prénom, c'est Juste. Vous jouez le con ou vous jouez le pas fin? Si je te dis que je joue avec Marcel Leboeuf, tu sais déjà que c'est Marcel qui fait le con. Ah ben, franchement! Moi, je Et nous l'avons avec nous! J'aime pas qu'il jouait Marcel Leboeuf. C'est pour vous dire. Je pouvais pas savoir. Tu sais qu'en plus de faire des entrevues sur le théâtre, tu as le droit d'aller au théâtre. Non, ça, j'haïs ça. je trouve que c'est bien tannant, le théâtre. Il y a une chose, par exemple, on peut jouer au théâtre, mais on voit... Est-ce qu'on va voir André Robitaille jouer à la télé? Prochainement? Parce que vous l'avez été tapissé à 30 vies pendant un bout, là. 30 vies, oui, j'ai fait toute la session du personnage de Marie-Lou Wolfe. Et donc, j'ai terminé en décembre, comme c'était prévu. Présentement, non, j'ai rien pour l'acteur télé, sauf qu'il y a des reprises du Le Retour à prise 2 à TVA. C'est vrai? Et j'ai des cheveux exceptionnels là-dedans. Arrêtez donc! Oui, on dirait que j'ai un gros casque de Bessix à la tête. Weird. Mais donc, ça a été tourné il y a plusieurs années. Alors, pour bien répondre à ta question, non, au niveau du jeu, je n'ai rien de signé pour la télé présentement. Ben, de toute façon, vous n'aurez pas le temps. Ben, écoute, avec ce qu'on vient de lister, je pense que je suis assez gâté. Mais moi, oui, tout à fait, vous êtes gâté. Mais moi, je sais qu'à chaque deuxième saison d'une émission, on retravaille toujours un peu. Hein? On essaie d'améliorer ce qui n'a pas fonctionné. Pour entrée principale, est-ce que vous êtes satisfait de votre première saison, premièrement? Oui. Est-ce que les choses ont changé? Je suis fier d'avoir inventé un show avec l'équipe. Oui. On est parti d'une page blanche, d'un écran vide, et puis on a monté un show. Moi, regarde, c'est ironique, là. Je fais un format qui s'appelle Les Enfants de la télé. Alors, je ne suis pas contre les formats déjà achetés, déjà prouvés. Je serais cave de dire ça parce que j'ai la chance d'en faire un. Ouais. Mais tu sais, j'ai touché à Vas-y Mollo, les mordus, testé sur des humains. C'est tout des créations québécoises, j'oserais dire ça. Je suis fier aussi de ce passage-là. Et entrée principale est dans cette liste-là. Et c'est pas évident comme commande. André, on va faire une quotidienne à 16h à Radio-Canada en direct dans le corridor. Mettons qu'au niveau... Ben, pour ceux qui connaissent Radio-Canada, les corridors, c'est pas comme capoté. Ouais, mon prochain step, c'est qu'ils me mettent à la porte. Ben non, honnêtement. Alors, je t'avoue que j'ai reculé d'un pas. J'ai fait, OK, vous êtes certain qu'il y a des gens qui nous écoutent à 16h? Et la réponse, c'est oui, il y en a beaucoup. Ce ne sera jamais une émission urbaine, une émission montréalaise, parce qu'à 16h, il y a des ponts à traverser. Mais le Québec, c'est pas juste chez nous ici à Montréal. Ça, et tant mieux pour la télé. On oublie ça souvent. Ben, moi, on déplore aussi. Et on se fait féliciter d'avoir cette attitude-là et d'avoir cette réflexion-là et l'œil vers ces gens-là aussi. Alors, on a quand même créé un créneau. 16h, ça boitait à Radio-Canada. Et là, maintenant, ben, humblement, on a inventé un show que les gens attendent. Alors, on va reprendre ça. Puis oui, on travaille présentement pour améliorer l'année. Qu'est-ce qu'il y avait à 16h avant moi? Les docteurs étaient là avant nous. Il y a eu les lions quelques années avant que ce soit le matin. Ça a bougé beaucoup le 16h. Et moi, je me bats contre les Simpsons et Top Model. Et j'ai battu Homer Simpson à Minuscule. Moi, je l'enregistre Top Model, puis je vous écoute en direct. Ah oui, mais j'ai flirté avec l'envie de donner le punch final de Top Model, puis dire aux téléspectateurs, à cette heure, lâchez ça. C'est ça! Mais je ferai pas ça à TVA. Non, faut pas se mettre à dos au TVA. Jamais. Jamais. Alors, on revient le 8 septembre, puis on va retravailler le show. On est déjà en meeting. On retravaille notre patente, comme vous allez faire avec vous, votre nouvelle saison qui s'en vient. Oui, tout à fait. Nous autres, on a presque une heure de préparation de prévu. Hein. Ouais. C'est tout ce qui paye à Radio-Canada. Bon, moi, j'ai une heure et quart, mais 15 minutes à mes frais. Mais c'est de la c'est de la TV, vous avez toujours plus de choses. Vous restez, parce qu'on va recevoir Jean-François dans quelques minutes. Mais vous restez, mais vous en allez, c'est ça que tu viens de me dire, en d'autres mots? Ben, c'est parce que moi, je ne sais pas si je vais rester, j'ai un soufflé dans le four. C'est-tu vrai? Oui. On dirait que tu l'as sur la tête. On finit là-dessus, je pense! Hey, j'avais pas fait de joke de ses cheveux encore! C'est vrai! Sérieux, ça fait au moins une semaine qu'il n'y en a pas eu? Vous savez, un peu comme André Principal, c'est une des premières fois que je l'entends. Alors, Fred, on t'écoute. En fait, on a appris cette semaine qu'il y a des formulaires d'accréditation médias sur le site de Patrimoine Canada pour la visite du prince Charles et de sa charmante épouse cet été, qui avait été écrit dans un français de marde. Et les gens du Manitoba sont en maudit, surtout depuis qu'on a trouvé une publicité en français de cette fameuse visite. On écoute. Pour la tournée royale 2014, le gouvernement du Canada invite les gens à venir applaudir nos souverains dans la visite de nous. Le prince de Galles et la duchesse de Cornwall seront parmi nous pendant plusieurs jours de l'été. Des activités de Leplein sera offerte pour toi si tu viens dans les provinces de le Manitoba, du Nouvelle-Écosse ou de l'île de Prince Island. Comme la rencontre des enfants qui se familiarisent avec les principales de l'aviation, d'infusée, satellite et lot plus. Et en soirée, il y aura des beaux feux de travaux, des musiques et des spectacles pour célébrationner le jour de Victoria et le 150e anniversaire de la conférence de Charlottetown. C'est vraiment une programmation wow! Patrimoine Canada Royal 2014. Parce qu'on care les deux langues. Eh bien, on va y retrouver Jean-Sébastien Girard, qui doit être avec Charles Prévost-Linton. Jean-Sébastien? Ah, mon Dieu, Jean-Philippe. Effectivement, toujours avec M. Charles Prévost-Linton, victime de l'effet Ginette. M. Charles Prévost-Linton, bonsoir. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, M. Linton, c'est le temps de vous vider le cœur. Je veux dire, dans votre salon, quand vous écoutez Ginette chanter à votre place, on va se dire, vous devez avoir le goût d'y envoyer un coup de bâton en arrière de la tête. Hein. Je veux dire, vous devez surtout pas avoir envie de lui faire la tendresse. Au contraire, j'éprouve énormément de sympathie pour notre Ginette nationale. Et puis, je trouve ça merveilleux qu'elle allie sa grande émotion à celle des partisans des Canadiens lors des séries. J'adore ça. C'est fantastique aussi que le public puisse manifester pour Mme Renault sa grande affection et tout l'amour qu'il lui porte. Ouais. En même temps, bon, vous êtes très zen, mais je me dis, vous êtes peut-être en train de vous dire qu'il n'y a pas encore raison de perdre totalement espoir. Alors, les séries ne sont pas totalement terminées. Et on le sait, M. Linton, Ginette Renault est toujours à 3 tranches de bacon de retomber en congé de maladie. Ça m'étonnerait beaucoup. Ginette est une force de la nature indomptable. C'est impossible de vous faire parler contre elle. Franchement, je vous dis. Monsieur Linton, vous êtes un monsieur d'une grande élégance, Monsieur Linton. Cela étant, je ne suis pas le seul à avoir des questions à vous poser. Comme à l'habitude, on invite le public, encore une fois, à nous envoyer des questions pour notre invité. Alors, vous le faites à lasoirée@radio-canada.ca. Et ta valeur de voix trempée. Protégera nos foyers et nos droits. Vous écoutez La soirée est encore jeune sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, une émission qui est pro-choix, particulièrement pour éviter que plus de prouvis viennent au monde dans le futur. On a une salle pactée par les pro-choix, visiblement. Mon Dieu. Les amateurs de bacon aussi. Hey Fred, oui. Faites votre chronique, qu'on reçoive Jean-François Géant. Permettez-moi de revenir sur Guy Laliberté, hein, ce grand Québécois qui a daigné donner son avis sur le Québec actuel dans le Journal de Montréal cette semaine. Des déclarations qui sont passées un peu sous silence, il me semble, à moins que je sois devenu sourd. Monsieur Laliberté est donc sorti de son mutisme. Sa dernière entrevue dans un média indigène datait de 2009. Sincèrement, je croyais qu'il était en orbite permanente autour de la planète Ego suite à son voyage dans l'espace. Mais finalement, ce n'était qu'un voyage temporaire. Il est revenu sur Terre. D'ailleurs, les performances du Cirque du Soleil ces dernières années l'ont ramené assez vite sur Terre, je crois. Attention, je ne me réjouis absolument pas des déboires du cirque, même si je n'ai jamais vu un de leurs spectacles. Moi, le cirque sans animaux, très peu pour moi. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir de la peine pour nos entreprises quand elles ne vont pas bien. Ça fait toujours mal quand un fleuron de notre économie québécoise a du plomb dans l'aile, et je ne parle pas ici des canards du lac Brombe. Donc... Guy Laliberté s'est servi des pages du Journal de Montréal pour nous dire qu'il trouve que le Québec va bien mal. Mon Dieu, qu'on avait besoin de ça après l'élection d'un gouvernement libéral majoritaire, nous faire dire que ça va mal par un être humain d'exception, comme si avoir son opinion améliorait de facto notre vie putride loin du succès interplanétaire. Pourquoi donc devrions-nous tendre l'oreille quand ces grosses légumes s'ouvrent le clapet? C'est la même chose quand Jacques Villeneuve éructe une analyse sociologique sur le Québec qui n'a pas su reconnaître assez son génie, qu'il a dû s'exiler à argent d'or pour ne pas payer d'impôts puisque nous ne méritons même pas ces matières fiscales. Mon Dieu! Mon Dieu, que c'est intéressant d'avoir le point de vue de ces sommités du contentement de soi. Mais Guy n'est pas comme Jacques! Il ne nous trouve pas si médiocres, mais trouve que nous manquons d'audace, de vision et qu'on a des croûtes à manger si nous voulons briller à l'échelle internationale. En voilà une bonne question. Briller à l'échelle internationale. Est-ce que c'est une chose si importante au bonheur collectif? Ne serait-ce pas une maladie du 21e siècle, cette maladie qui touche tant de jeunes Y incultes? C'est-à-dire de vouloir être connu et briller à tout prix. Regardez ce qui est arrivé à Gabrois. À force de vouloir briller et chercher la reconnaissance, il risque maintenant d'être reconnu coupable. Est-ce que c'est ça que nous voulons pour le Québec? Monsieur la Liberté estime qu'à force de nous démoraliser, nous perdons notre confiance en nous. Foutaise. Moi, je pense que c'est surtout en nos élites que nous perdons confiance, et ce n'est pas une si mauvaise chose. C'est peut-être nos élites elles-mêmes qui ont la chienne qu'on ne leur fasse plus confiance, d'ailleurs. Et ça, c'est inquiétant pour une élite. Car pour rester élite, elle se doit d'avoir la confiance et l'abnégation des classes laborieuses. Moi, je suis chanceux. Les auditeurs ont pleinement confiance en moi. Mais je pense à des gens comme Denis Arcand, par exemple, et son dernier film, qui n'a pas été bien reçu et qui, lui aussi, trouve que le Québec ne le mérite pas. Mais pourquoi donc s'attend-on encore à des bons films de Denis Arcand, alors que la dernière fois que c'est arrivé, Pierre Curzi se faisait polir le nœud par Geneviève Rioux? Ça ne nous rajeunit pas. Quand cesserons-nous d'écouter béatement ce qu'ont à dire nos grosses gommes internationales qui, repus de fonds publics, déversent leur amertume comme si c'était parole d'évangile? C'est nous, la nouvelle élite, Jean-Philippe. Cessons de vivre dans le passé comme Guy, qui encore cette semaine était persuadé que son idée de salle de spectacle et de casino dans Pointe-Saint-Charles était un beau projet de société en 2006. Des fonds publics pour construire un casino dans un quartier pauvre, ce n'est et ne sera jamais une bonne idée, Guy. Heureusement que ce projet est mort dans l'œuf, même si Guy ne semble pas l'avoir digéré. On le comprend, moi-même, j'ai de plus en plus de difficultés à digérer les œufs, même que je dois enlever la coquille quand je les mange. Suçons-nous-en de ce qu'en pensent nos élites de la situation du Québec. Comment faire confiance à un homme qui se dit citoyen du monde et qui s'est acheté une île dans le Pacifique et qui est devenu survivaliste? Le Québec a besoin de nouvelles élites et je pense que ce défi nous incombe. Dire ce qu'on pense du Québec, on est excellent pour faire cela, surtout que dès l'automne prochain, nous pourrons le faire 2 heures par jour, les samedis et dimanches de 17 à 19 heures. Et il y a des gens qui trouvent que ça va mal au Québec. Un peuple qui peut se permettre nos réflexions. 4 heures par semaine, dès le 23 août à 17h, est un peuple qui a de l'avenir. Aucune complaisance! Écoutez, je vous ai pas écouté. Je suis désolé. Vous l'écouterez en balado. Je tweetais. Il y avait beaucoup de mots, hein. Il n'y avait pas d'image, c'est difficile. On va aller trouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien. Ah, mon bon Jean-Philippe, nous croulons littéralement sous les courriels qui s'adressent à M. Prévost-Clinton. Alors, on commence avec ce premier courriel. Bonjour, monsieur. Vous savez, René Vrancourt, qui fait l'hymne national à Boston, finit avec plein de moves weird. Si vous aviez développé un move d'épileptique, vous aussi, pensez-vous que vous seriez encore là à faire cette chanson et c'est signé Dépayé de Montréal? Bonjour, M. Dépayé de Montréal. Eh bien, j'en doute fort que je serai encore là. Un autre courriel ici qui va comme suit. J'ai lu dans le Journal de Montréal que vous ne diriez pas non à chanter le Haut-Canada avec Ginette Renault. Franchement, c'est pas un petit manque d'humilité. C'est pas un peu comme si Fred Savard rêvait de co-animer les enfants de la télé et c'est signé à Robitaille. Non, écoutez, plutôt que de chanter en duo, j'aimerais bien faire l'hymne américain aux côtés de Ginette et puis en lui laissant aller au Canada, parce que je trouve qu'elle se débrouille parfaitement bien toute seule. Quel gentleman, Jean-Philippe! Un dernier courriel qui va comme suit. Ah, mon Dieu! Est-ce que vous avez déjà touché à un joueur comme le fait Ginette, hein, ce qui a d'ailleurs motivé Brière à compter quelques minutes plus tard? Avez-vous déjà pensé à taper les petites foufounes du beau Carey Price? Et c'est signé J. Legendre. Il est quand même là en uniforme, vous savez, et quand je le croise en allant chanter les hymnes, il me fait toujours le coup de poing, vous savez, genre high-five, là. Ouais, c'est ça. Ben, en parlant des fesses de Carey Price, j'ai une lunette plate à vous poser. Oui, on vous écoute. Alors, qu'est-ce qui s'empire que l'aisselle du défenseur? Je pourrais pas vous dire. Ah, c'est l'arrêt du gardien de but. Une chance qu'on ait notre domination pour les Oliviers avant l'émission d'aujourd'hui. Merci Jean-Sébastien, on se retrouve peut-être tantôt si on a du temps, mais je suis pas sûr. On se retrouve tantôt, okay. Avec une très très grosse surprise pour vous. Ah mon Dieu, ben peut-être qu'on va se revoir d'abord. Ok, bye, Fred, notre deuxième invité. On l'a connu comme auteur des bougons, comme peu inclusif dans un bye-bye et comme gros cap dans son sous-sol. Il paraît qu'en plus, il est tendre et sensible. Accueillons M. Jean-François Mercier! Oh yeah, lui est bon, lui je l'aime. Oh ouais. Bon, alors, bonjour. Hey, bonjour. Hey, Jean-François, bonjour. Une bière blonde? Ouais, m'en prendre une petite bière, là. Je suis en train de perdre mon buzz. T'en avais un? Ah, ouais, t'es arrivé avec un buzz? Ben, tu sais, j'ai pris trois bières. J'ai pris une coupe de bière, là, puis. Ça va mieux. J'ai sniffé de la colle, je suis sur un budget, là. Comment ça se passe? Je sais que t'avais un sac de papier brun quand t'es arrivé, je me sens. Une attaque de panique, mais. Ça calme un homme. À ma manière. On est tous en austérité, hein, qu'est-ce que vous voulez, on peut pas dépenser comme on veut. Hey! Alors, on est content de recevoir Jean-François Mercier parce que ça doit être la seule personne de toute la communauté artistique qui a pas fait des auditions pour les enfants de la télé. Non, il y a toi, Jean-Philippe, aussi. Oh! Ben, c'est parce que nous autres, on se l'abaisse pas à ça, Jean-François. Non. Ah. Hey, c'est pas de venir à votre show, là, c'est très cool. Hey, j'ai d'autres choses à faire, merde, là, moi, là. Il y avait des auditions, puis tu l'as eu. Il cherchait un petit cadre. Hey, tu m'avais dit que la blonde était meilleure. Méchant menteur. Tu parles déjà de tes rencontres en tournée. Oh! Mais quel beau lien, par contre, parce que... Oui, parlons de Jean-François, tu t'en vas en tournée. Oui, tout à fait. Non, mais c'est le deuxième one-man show. Oui. Mais moi, ça me surprend qu'il y en ait juste deux one-man shows, Jean-François Mercier. Ben moi, tu sais, on me dit souvent que je suis comme un vieux de la vieille. Ouais. Mais mon premier gala, je l'ai fait en 2005. Ça a été mon premier gala à vie. Ce deuxième One Man Show-là s'appelle Subtil, Sensible, Touchant. Oui. Alors que le premier était le show du Gros Cave. Oui. C'est une évolution ou. Ben, c'est parce que le show du Gros Cave, les gens se rendaient pas compte que c'était le public. En fait. C'est ça le problème, moi. Moi, j'ai toujours été subtil, mais tellement que jamais personne s'en est aperçu. Il y a peut-être là le problème. Hein. Mais j'ai toujours été sensible et touchant. D'ailleurs, moi, mes numéros qui ont le plus marché, c'est probablement mes numéros les moins drôles. Là. Ah, mon Dieu. Ouais. C'est maudit. Oui, moi, c'est ça, j'ai une petite explication de ça. Moi. C'est chacun un peu pour un humoriste. Entre autres, mon compte de Noël, c'était des... Grim, il approuve! Parle-moi de ça, un public qui dit pas contre toi, même pas vrai! C'est un crasseur! Non, il approuve, ils sont d'accord avec moi. C'est un habitué, on va y mettre un micro dans pas longtemps. C'est ça. on perd du bon stock. Pensais que c'était un miroir, mais non, c'était un habitué. Okay. C'est vrai qu'il ressemble beaucoup à Jean-François Mercier. Ben oui. Hein? Il a à peu près le même rire, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai. Toujours est-il que là, dans le nouveau show là, de Plus Subtil, Plus Sensible, c'est plus des jokes à la quoi, là, avec Clémence Desrochers, des blagues de... Ben, tu sais, le titre du show, honnêtement, moi, je m'en sac un peu. T'sais, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de faire... Non, mais regarde bien. Moi, là, je monte mon show, je suis allé le casser d'un bar, puis moi, je garde qu'est-ce que le monde rit. T'sais, numéro que le monde, il pleure de rire, c'est drôle, mon instinct me dit de le garder, ça, là. Puis les numéros qui marchent pas, je les coupe. Moi, c'est mon metteur en scène, Guy Jodoin, qui m'a dit, il dit, JF, moi, je voulais appeler mon show Colon Irritable, parce que le titre me faisait rire. Ben, mais il dit, t'envoies un mauvais message. Il dit, quand tu dis ça, les gens s'arrêteront même pas à t'écouter. Ils vont faire, c'est un épais, c'est un crétin. Ouais, ouais. Il dit, t'es autre chose. Il dit, tu sais, je pitchais des affaires. Je disais, touchant. Il dit, ben, tu vois, déjà, j'aime mieux ça. J'ai dit, subtil, tu sais, puis j'essayais, tu sais, d'avoir... Puis là, à un moment donné, j'en ai collé trois, puis tout le monde s'est mis à aimer ça au bureau, tu sais. Ils ont fait, hey, subtil, sensible et touchant. Ça les faisait rire parce que tu t'attends pas à ça. Non, c'est ça clair que surprend, tu t'attends pas à ça. Mais c'est pas faux non plus. Ben, tu sais, je lisais... mon premier show, là, c'était un show sur la tolérance, Jean-Philippe. Puis si t'en faisais une lecture au second degré, c'était un show sur la tolérance, parce que j'appelais ça le show du Gros Cave, jamais personne n'a vu. Ah, c'est ça, hein? Et en plus, si ça s'appelle Colon Irritable, tu mets quoi sur le poster? Je lisais la presse récemment, puis tu parlais d'une période de doute. Préparation. Et là, je te cite, on m'a filmé, je pensais que j'avais plein d'énergie pendant que tu testais les numéros à Sainte-Julie. On m'a filmé, je pensais que j'avais plein d'énergie, mais j'avais plus l'air d'un orignal ça à 20 avec des vannes qui passent autour, puis qui sait pas quand tu vas se faire frapper. J'avais l'air d'un gros crisse d'imbécile. Mais tu sais, quand t'es sur la scène, t'es la seule personne qui te voit pas. Ouais. Tu sais, des fois, des fois, c'est assez surprenant de, voir, de te voir à la télé, de voir, tu fais « OK, j'ai cette face-là, quand j'ai cette émotion-là ouais. à l'intérieur, puis tu fais « Hey, crime, c'est comme complètement autre chose qui sort. » Moi, je pensais que j'y allais avec énergie, ouais. vigueur, puis tu sais, il y a comme une mode, là, tu sais, les jeunes humoristes sont ultra high energy. Ouais. Tu sais, j'ai fait « Ben, tu sais, c'est les jeunes humoristes, c'est le futur de l'humour, tu sais, c'est ouais. là que ça s'en va. Il faut les calquer, tu sais, eux autres, ils rentraient à la planche, puis tout. » Fait tu sais, j'étais comme porté à essayer de faire comme eux autres, et je pensais que j'y arrivais, tu sais. À un moment donné, tu le vois, puis tu fais, hey, c'est pas mon énergie, ça, c'est pas mon énergie à moi. Puis à un moment donné, tu fais, non, regarde, va-t'en donc dans ce que, oh, dans ouais. ce que la nature t'a donné. C'est quoi, c'est quoi la nature? Donnait quoi la nature? Ben, moi, je suis un gars plus assis qui flash son cash. C'est comme ça que je séduis, moi. Tu sais, à un moment donné, faut que j'arrête de m'en faire à croire. Fait que tout le stand-up, dans le fond, le show complet, c'est assis avec une caisse enregistreuse. Et justement, il y a des moments un peu plus posés. Tu sais, à mise en scène, Guy Jodoin, c'est un gars de théâtre qui m'amène ouais. Probablement à des places que moi, je ne serais pas allé visiter. Tu sais, en humour, on essaie d'être le plus efficace possible. On jette nos gags. Aussitôt, tu sais, tu l'essayes deux fois, il ne marche pas. Il Bye. Prend le bord. Ouais. Lui, il fait non, non, non, non, non, non, non, non, non. Parce que tu l'as mal interprété, parce que c'est bonne cette ligne-là. Il me fait travailler d'autres choses. Il me fait travailler beaucoup sur le silence. T'sais, il me dit, quand tu me dis, mettons, je vais dire une phrase que je dis dans mon show, je suis contre la démocratie. Il dit, tu peux faire le temps que tu veux. Il dit, je veux entendre la suite. Je veux entendre ton ouais. argumentaire. Il dit, c'est intéressant de mettre des temps comme ça, de créer des suspens. Puis des, essayons ça, va. Non, je veux dire, suspens. J'en avais un beau silence. Moi, j'ai, là, moi, j'ai pas de misère, là, tu sais, je veux dire, c'est pas mon show, là, je me sens zéro responsable de l'entertainment. Vous savez qu'il y a quelque chose... On est deux, man. Vous savez qu'il y a quelque chose d'intéressant à la radio de Radio-Canada, hein? Quand il y a un silence de plus de 10 secondes, je pense, il y a une alerte, en fait, qui fait partir de la musique, parce ouais. que c'est comme si la radio pensait que le show marchait plus. Là, fait que c'est de la musique qui part. Fait que là, 10 secondes. Okay? Oui, oui. OK. Fait que 10 secondes. On essaie dessus. Mais... J'ai hâte de voir c'est quoi la musique qui va okay. sortir. Là, supposons que. Alors, 10 secondes, maintenant. J'en ai fourré des gars. André, franchement! André, c'est toi! Hey, je te concentre okay. 10 secondes, on a fait OK, on fait un test, le gars. On sait qu'on revient l'année prochaine. De toute façon, on le fait. OK. Mais là, on le fait. On OK, on le fait. Allez. Dans 3, 2, 1. L'essentiel, c'est d'être aimé. Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un. Fait que le reste du show, on l'entendra pas. Fait qu'on peut dire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut. Bon, fait que je peux arrêter de me censurer. Ouais. Oh, commencer à trouver ça pesant. Mais faut que t'assumes ton titre. Hey, pas habitué, moi, de faire des shows guindés de même, André. Hey, on se dit vous, toi puis moi, là. Ah non, mais j'ai commencé avec vouvoiement, puis j'ai passé au tutoiement tout de suite. Ouais. Je sais que le rodage va être cet été à Sainte-Thérèse. Entre autres, oui. Oui, on a appris une couple de semaines que Véro et Louis venaient aussi faire le rodage à Sainte-Thérèse. Oui. C'est un oui. peu maudit, ça. Pour ne pas dire Chris. Ben, comme j'avais dit au journal local, j'ai dit, c'est comme, mettons, tu fais une rencontre évangélique, puis tu fais, ben, il y a beaucoup de monde qui manifeste leur intérêt de participer à notre rencontre évangélique. Puis tu fais, ah, le pape va être là un mois avant. Et... non, mais on n'a pas, on partage pas nécessairement la même clientèle. Ben... Tu sais, moi, c'est plus des gens qui veulent voir un spectacle d'humour. Ils sont pas abonnés à Véro Inc. non plus. Oh, boy. Hey, j'ai quasiment le goût de finir là-dessus, mais je vais quand même faire des plugs. Non, mais, non, mais je suis sûr que c'est super bon le show à Véro et son straight man. Oh, mais d'ailleurs, la dernière controverse de Jean-François Mercier, c'est quand vous êtes associé avec le straight man de Véro là, au Bye Bye, non? Il me semble que c'est la dernière fois qu'on a entendu parler d'une grosse controverse. La dernière controverse? Oui, la grosse, la vraie grosse, là, c'était au Bye Bye 2008. Moi, la dernière la menace de mort, ouais, ça, c'était la Côte-Nord. Ouais. Ah côte oui? Nord. Ben, peut-être que toi, des menaces de mort, tu considères pas ça comme une grosse controverse. Moi, maintenant, je suis plus là. Mais on parle du bye-bye 2008. Ouais, ouais. Ouais, on n'en parlera pas de ouais, ça. Non, non, ben, on peut en parler. Moi, je suis super ouvert d'en parler. Moi, on m'a tout le temps fait fermer la gueule là-dessus. en me disant justement qu'on en avait assez parlé. Ah, ben là, écoute, il nous reste une minute, on peut jaser de ça le temps qu'on veut. Tu sais que c'est le seul bye-bye qui n'est pas dans le coffret des bye-bye. Hein? Ouais. Pas de joke. Il offre un coffret des bye-bye des années de... Parce qu'à ce moment-là, le monde s'apercevrait que ce qu'on me reproche... C'est pas si c'est, que ça. C'est, non, c'est pas des sketchs que je vois dedans. C'est pas des sketchs que j'ai écrits. Ah, c'est fait que, ben ouais, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, tu fais le monde et... Ouais, tu sais, le monde, ils sont durs avec vous, Monsieur Mercier. Tu fais, ouais, mais à un moment donné, j'imagine qu'ils vont s'apercevoir que... Mais ça, tu l'as pas dit au début de la controverse que c'était pas toi qui avais écrit ce qu'on pointait du doigt? T'as pas répondu ça? Ça par là, respect pour ta gang, peut-être? Ça, là, c'est tout coupé au montage. Pour vrai? Tu ben, répondais ça, puis on le diffusait pas. Écoute, à un moment donné, j'ai fait... Moi, là, le bye-bye, j'ai pas été outré de tout ça. Moi, c'est quand... la bonne nouvelle GM, c'est de dire que les fonds, finalement, ont été reçus en Haïti 2 ans plus tard, puis tout. Puis ça a été mis tout croche dans le journal, j'ai été cité. Et il dit qu'il est outré que le groupe Mediaset aille... T'sais. Puis là, tu fais, ben voyons, la bonne nouvelle GM, le groupe Mediaset, t'sais, dans quel monde qu'on vit? Ouais. Comment tu peux être perdu de même dans tes références? Puis là, tu fais, ah, à moins que ça serait peut-être malhonnête, tu sais. Quand tu t'expliquais, c'était pas diffusé, ou presque. Souvent. Moi, j'ai à peu près rien dit sur comme le comme ce qu'on dit là va être coupé, là. Hey, probablement. Hey, non, ça, hey, si on parlé, ça, je pense pas, j'en ai parlé, moi. Tout le monde en parle, ça a été coupé. Pour vrai? Ben oui. Hey, on va tellement garder ça. Y a-t-il autre chose que... La fois que je suis passé à Tout le monde en parle, ouais. Là, pour en parler en février, que Guy m'avait dit, il dit, si on en parle encore en février, je t'invite. J'étais pas invité. Il y a eu 2 cancellations d'invités, puis tous les avocats, le conseil légal de Radio-Canada était là, puis ils m'ont dit, au moindre faux pas, on coupe ton entrevue. Ben, vous faites du montage. Je dis, non, on coupe ton entrevue. On l'a, là, notre bouc émissaire. Toi, tu restes là, c'est ça ta place, tu sais. Hey, oh, mon Dieu, que c'est du bon stock, ça, hein? Pour un bye-bye que j'ai tellement tout fait dans ce bye-bye-là que j'ai été payé 2000$. Bien sûr, ça, regarde, on en fera un à la gang, un bye-bye, puis on n'aura pas de problème. Yes. Hein, à 2000$, ça vaut à peine à maudit. Surtout si on sait qu'ils ne se retrouvent pas sur le coffret. Ben non, c'est ça. OK. Hey, notre prochain chroniqueur. Mais pas moi, là, sur des affaires où ce que je suis encore amer, là, puis tu vas voir. OK, OK. Hey, Olivier, c'est-tu vraiment bon ta chronique parce qu'on a du fun en vierge? Moins. OK, ben vas-y quand même. Si l'écoute de la radio Jean Bon était une maladie professionnelle, il serait sur la CSST à temps plein. Voici la chronique d'Olivier Niquette! Ben, la série Canadien Boston bat son plein et la question des commentaires racistes sur Twitter à l'endroit de Piqué Subban occupait l'actualité en fin de semaine dernière. Faut dire qu'on a monté ça un peu en épingle. 4 tweets racistes sont devenus 17 000 tweets racistes au TVA 22h. Mais selon Georges Larac, ce n'est pas ce qui a fait que cette histoire soit une tempête dans un verre d'eau. C'est pas des amateurs des Bruins qui ont fait ça. C'est des personnes racistes qui se sont fait passer pour des amateurs. Donc, être fan du Boston et être raciste, c'est mutuellement exclusif, tout comme devrait l'être être ancien joueur de hockey et faire de la sociologie à la radio. Par contre, tu peux être fan des cataractes de Shawinigan puis être raciste. Moi aussi, quand je joue au hockey junior, tu parles de Shawinigan, tu parles de Drummondville. Il y a des petites villes comme ça que dans le temps, quand je jouais, que oui, c'est des incidents comme ça, c'est déjà arrivé. C'est des incidents que c'est des coins qui n'y a pas vraiment de noir. Il y a plus du monde genre redneck. Bon. Bravo à Georges Larac de combattre les préjugés sur les Noirs à coups de préjugés sur le monde de Drummondville. De son côté, Sylvain Bouchard de Cogeco s'indignait du prix à la hausse du litre d'essence. Selon lui, il ne faut toutefois pas pointer du doigt les pétrolières. Oui, elles nous fourrent, mais au moins, elles nous donnent de la gelée de pétrole avant. Mais ils vous vendent genre quoi? Moi, ils me vendent du pétrole. La raffinerie Ultramar, je l'ai vue, là. C'est pas petit. Il y a du monde qui travaille là. Il y a des travaux actuellement. Ça travaille. Il y a des coûts. Les taxes pour le gouvernement, qu'est-ce qu'ils te vendent? 0 puis une barre. Ils vont te chercher de l'argent dans les poches, point final. Ils ne donnent rien en retour de ça. Ah ouais, mais on donne des services, pas nécessairement. Souvent, c'est même pas pour moi. Non, Sylvain Bouchard ne profite même pas des belles routes que le gouvernement construit avec ses taxes. J'espère juste qu'il ne dépense pas toute cette belle gasoline dans son garage parce qu'il y a certains risques associés à ça. D'autre part, Mario Dumont s'inquiétait du fait que le gouvernement dévoile d'avance qu'il veut investir de façon massive dans les infrastructures, faisant ainsi augmenter les prix du marché. Toujours à la fine pointe de la vulgarisation, Mario avait un exemple pour mieux nous faire comprendre. Ben, je m'excuse, si tout le monde sort sur son balcon et crie « Moi, j'ai l'intention, dans le prochain mois, d'acheter, je sais pas quoi, tel type de des crevettes. » Tout le monde sort sur son balcon, le même jour, il dit « J'ai l'intention d'acheter des crevettes. » Non, mais je vous annonce que le prix des crevettes... Non, sérieux, le prix des crevettes va monter. Mario, le but, c'est de rendre plus clair un concept abstrait en utilisant des exemples de la vie de tous les jours. Pas l'inverse, non? Parlons maintenant un peu des femmes en politique, puisqu'il a été question cette semaine d'imposer des quotas pour leur assurer une meilleure représentativité. Ouais. Pourtant, selon Joanne Marcotte du réseau Liberté Québec, le combat des femmes est terminé tellement que dans les médias, elles sont omniprésentes. Les meilleurs chroniqueurs, à mon avis, là, c'est des femmes, ce sont des femmes. Oui. Chantal Hébert, Denise Bombardier, Lise Ravary, toi, Liziane regarde, t'es là-dedans, assurément. Bombardier, Ravary, Liziane Gagnon. Oui, exactement. La bataille, elle est gagnée. Voilà, la bataille des femmes dans les médias est gagnée. Et d'ailleurs, notre émission en est la preuve vivante. Mathieu Bocoté s'est aussi intéressé à ce débat, nous prévenant qu'une telle initiative ouvrirait une boîte de Pandore. Donc, je le dis, là, c'est la question des femmes. Ensuite, c'est les minorités ethniques. Ensuite, on va nous dire, est-ce que c'est tel groupe qui va se baser sur une préférence esthétique? On pourrait multiplier les catégories absurdes. Est-ce que les obèses, un jour, exigeront leur propre représentant à l'Assemblée nationale en disant qu'ils sont une minorité discriminée dans une société obésophobe? Notez qu'il y aurait 18% d'obèses au Québec. Alors, imaginez la catastrophe. Hein, ça amènerait 22 docteurs Barrette à l'Assemblée nationale. Je pense que Mathieu Bock-Côté a raison. Il faut éviter ça à tout prix pour ne pas diluer le potentiel de faire des jokes de gros. Parlant d'obèses, le Elle Québec mettait à sa une ce mois-ci une mannequin du type un peu enveloppée, mais vraiment pas tant que ça, ce qui a beaucoup inquiété Éric Duhaime de Radio X. Moi, pour moi, on est en train de valoriser un mode de vie qui n'est pas sain et qui n'est pas santé. C'est ça que j'aime pas dans cette approche-là. Ce qui est beaucoup plus santé, ce sont les mannequins de 16 ans qui se font vomir pour pouvoir poser dans une pub de shampoing. Mesdames, je vous dis, on vous aime comme vous êtes. Dépêchez-vous de vous empiffrer de crevettes avant que les prix montent. Évidemment, on ne pouvait pas recevoir Jean-François Mercier sans que Jean-Étienne Eudes ne réagisse. Oh! On écoute donc un peu de Radiovision. Vous écoutez le Radiovision, le 14 AM, Jean-Étienne Eudes. En microphone, avec la toujours sémillante Gladys derrière la console. Gladys qui ne prend jamais de vacances et qui me permet de me rendre à vos oreilles chaque semaine. Gros big love, Gladys. Encore une fois, je n'ai pas de félicitations. Affaire à mes amis de la soirée est encore jeune, qui cette semaine ont eu la très mauvaise idée d'inviter un sombre personnage. Et je ne parle pas ici d'un membre de notre communauté. Au lieu de présenter un modèle positif, Jean-Philippe Vautier, si c'est son vrai nom, a préféré jouer la carte des codes d'écoute et inviter un personnage controversé. Alors qu'il aurait pu inviter un héros d'ébène, tel Pernell Kaltsouban, qui enflamme tout le Québec avec ses prouesses flamboyantes sur la patinoire depuis le début des séries de hockey. Lui qui tout noie et virevolte à la barbe de ses détracteurs bostoniens xénophobes et racistes. Lui qui fait fondre la patinoire grâce à la puissance de son coup de patin, digne d'un dieu grec noir. On a préféré inviter un homme qui fait la promotion de la race blanche au détriment de notre communauté dynamique, quoique démunie. Honte à la soirée est encore jeune de donner encore une fois la parole à un homme qui n'a aucun respect pour les noirs. Je parle ici, bien sûr, d'André Robitaille, qui refuse de promouvoir la diversité dans son émission en trait principal. Malgré une ribambelle de chroniqueurs aux compétences douteuses, pas un seul représentant de notre communauté n'a pu trouver grâce auprès de M. Robitaille. On a préféré engager une joueuse de tambour au joli minois blanc au lieu d'engager quelqu'un comme Viola Gentil, qu'on peut entendre chaque semaine au Métro Saint-Michel interpréter la symphonie numéro 5 de Mozart au djembé. Maintenant, encore une fois, la chaîne publique nous démontre que les gens de notre communauté n'ont pas de place dans l'entrée principale. On préfère les faire passer par la sortie secondaire. Il en dit des choses, lui. Il est bouche bée. On va retrouver Jean-Sébastien Girard pour une dernière fois. Jean-Sébastien. Ah, mon bon Jean-Philippe. Eh bien, c'est le moment de la surprise que je vous avais promis depuis le début. Ah. Alors, vous vous souvenez, Jean-Philippe, hein, on avait déjà reçu M. Prévost à l'émission cet automne, oui, alors qu'il se présentait aux élections municipales à Outremont. Et il avait eu la grande générosité de nous offrir un hymne qu'il avait composé lui-même pour la soirée, étant encore jeune. Ah. Il y avait un présage intéressant là-dedans. On se souviendra que c'était composé sur l'air de L'Essentiel de Ginette Renaud. Ah. Alors, absolument. Alors, pour célébrer notre retour dans une formule bonifiée l'année prochaine, M. Prévost a modifié cet hymne. Il va donc nous l'offrir à partir de maintenant. M. Linton va devenir notre porte-bonheur, notre messie. On va parler de lui tous les jours sur les réseaux de façon complètement abusive. Les chroniqueurs du matin vont faire des mash-ups et des slams sur lui. Le monde va virer fou avec ça. On l'écoute, Jean-Philippe. L'essentiel, c'est la soirée. Le reste importe peu. La seule vérité, c'est que Jean-Philippe Wautier, il sait nous envoûter, comme le grand Fred Savard et le petit Olivier. Et puis Jean-Sébastien est de plus amusant. Il est quand même un peu intelligent. Tout ce beau monde-là reviendra l'an prochain. 4 heures tous les week-ends, ça va vous faire du bien. La soirée est encore jeune. Hey, merci. Merci du reste de ma vie pour vous remercier. Pour les gens qui sont inquiets, bien non, vous n'êtes pas véritablement dans la rue. En fait, ça va très bien pour vous. Vous chantez simplement pour vous amuser à la brasserie Normand avant tous les matchs. Alors, on peut aller vous écouter. C'est vrai, entre amis, c'est un ami à vous, donc on peut aller vous entendre. Et je n'ai qu'une chose à vous dire, Monsieur Linton. Chapeau. Merci Jean-Sébastien. Merci infiniment vous tous. Merci beaucoup. C'est déjà tout pour ce soir. On vous invite à rester à l'écoute dans quelques minutes. C'est René au miroir et sa bibliothèque. Merci à toute l'équipe, Marie-Hélène Racicot, Steve Côté, Jean Gagnon et Philippe Roberge. C'est son anniversaire d'ailleurs, notre bon Philippe Roberge. Un gros merci à nos invités de ce soir. André Robitaille, tout l'été, toute l'année avec votre théâtre d'été, évidemment, partout dans votre télé Radio-Canada. Vous allez ouvrir la télé, puis vous allez et voir. Ça s'appelle Dîner de con et je t'invite. On va... Tu m'invites-tu, moi aussi, André? Je pense qu'on va y aller ensemble, Jean-François. Toi, Jeff, tu mangeras les restes. Et puis, Jean-François, ben, on va te voir cet été à Sainte-Thérèse, à moins qu'on préfère aller voir Louis et Véro. Ben, on n'est pas le même mois. Ah! Ouais, non, c'est ça. Okay, les autres sont en juillet, moi, je suis en août. OK, fait que si on veut rire, on va en août. Vous pouvez me voir mes autres dates, je suis à Brossard, à Magog. Ah, non. Bon, ça, c'est sur le site. Où est-ce qu'on voit ta face? Oui, jean-françois-mercier.com. Ah, c'est bien fait, pareil. Merci, Jean-François. Et si vous tripez sur l'émission, vous allez la réécouter en balado. C'est disponible sur iTunes. Vous pouvez venir assister à l'enregistrement. C'est les vendredis à 16h. Notre invité la semaine prochaine, on en a au moins une. Oui. C'est Shirley Theroux. Hein? Hein? On a-tu hâte? Hey, drôle comme un singe! Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite le profit de cette soirée qui est encore jeune!